Document 2, page 8. Sévère, on traverse ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la piscine ? Ah non, je suis fatiguée. Bon, on va au restaurant chinois ? Non, je n'ai pas faim. On va au cinéma alors ? Bof, pour voir quel film ? Oh, regarde ! C'est Julien ! Julien ! Julien ! Salut ! Salut ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu vois, je fais du vélo. Et vous ? Vous allez où ? Oh, Sophie est fatiguée, on rentre à la maison. Moi, je vais au théâtre. Qu'est-ce que tu vas voir ? Une comédie musicale. Oh, super ! Une comédie musicale ! On va avec Julien ! Mais, tu n'es pas fatiguée ?